Le prince se fait alors reconnaître par Sylvia, qui accepte, dans ses conditions, de l'épouser. Et voici la scène finale où sont rassemblés les deux nouveaux couples, Arlequin et Flaminia, Sylvia et le prince. Arlequin, j'ai tout entendu, Sylvia. Eh bien, Arlequin, je n'aurai donc pas la peine de vous le dire. Consolez-vous, comme vous pourrez de vous-même. Le prince vous parlera. J'ai le cœur tout bouleversé. Voyez, accommodez-vous. Il n'y a plus de raison à moi, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous me diriez? Que je vous quitte? Qu'est-ce que je vous répondrai? Que je le sais bien. Considérez que vous l'avez dit. Considérez que j'ai répondu. Laissez-moi après. Et voilà qui sera fini. Le prince. Flaminia, c'est à vous que je remets Arlequin. Je l'estime. Et je vais le combler de bien. Toi, Arlequin, accepte de ma main Flaminia pour épouse. Et sois pour jamais assuré de la bienveillance de ton prince. Belle Sylvia, souffrez que des fêtes qui vous sont préparées annoncent ma joie à des sujets dont vous allez être la souveraine. Arlequin, à présent, je me moque du tour que notre amitié nous a joué. Patience, nous lui jurons un tour, nous aussi, en nous abandonnant à l'amour.